À vous toutes, il est 13h passé de 30 minutes. Bienvenue à l'écoute tous amants de Nicolas jusqu'à maximum 17h pour l'émission avec plusieurs chansons différentes. Et puis aussi, j'espère que vous avez passé une bonne matinée, aussi un bon début de semaine. Et donc, j'espère pour vous, tout se passe très bien. Puis aussi, côté musique, tout se passera très très bien. Voilà donc, je vous laisse avec Franck Michael. Le titre accroche tout simplement les rêves de tes étoiles. Et puis, juste après, d'autres chansons différentes, de nouveautés aussi.

so real. Time stood still. Love was all we knew. You were the first, so was I. Made love and then you cried. Remember when? Remember when? Voici Queen, et puis suivi du groupe Téléphone avec le titre tout simplement Un autre monde. We will rock you. Sing it now. a comme un goût amer en nous. Comme un goût de poussière dans tout. Et la colère qui nous suit partout. Il y a des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Évidemment. elle y résiste, elle y tend pas, faites comme moi, j'y vais bien même pas, rythme de twist, ouais, dans le voilà, main là, et tu t'y prends bien, continue comme ça, retour autour de moi, balance encore tes bras, et bien sur mon cœur, rythme de twist, yeah. Tes bras, ouais, mon cœur va pour toi. Voici donc Charles Aznavour, j'ai perdu la tête. Je n'avais connu que des passions, beaucoup trop sages, en menant une vie de garçon. Volage, tous les amoureux que je croisais me semblaient drôles, et je croyais ma tête à jamais plantée sur mes épaules. J'ai perdu la tête, mon cœur est en fête. La tête, mais mon Dieu que j'aime ça. Jamais la vie ne m'avait paru plus magnifique, et jamais mon cœur n'avait battu si vite, que depuis que l'amour m'a frappé avec violence, comme s'il voulait me réveiller pour me donner ma chance. J'ai perdu la tête, mon cœur est en fête. J'ai perdu la tête, mais mon Dieu que j'aime ça. Je parle d'elle en toute occasion, c'est mon problème, et je n'ai qu'une conversation, je l'aime. Quand mes amis se moquent de moi, c'est incroyable, leur sarcasme ne m'atteigne pas, je suis invulnérable. J'ai perdu la tête, mon cœur est en fête. J'ai perdu la tête, mais mon Dieu que j'aime ça. Moi qui croyais rester jusqu'au bout célibataire, je rêve d'avoir la corde au cou et faire des enfants qui viendraient égayer mes derniers souffles et passer ma vie à leur côté, les pieds dans mes pantoufles. J'ai perdu la tête, mon cœur est en fête. J'ai perdu la tête, mais mon Dieu que j'aime ça. Elle a des cheveux d'un blond soyeux, vagabonde, elle a les yeux les plus lumineux du monde, elle a les lèvres les plus jolies et les plus tendres, et une voix que l'on a envie d'entendre. Elle a un cou long et majestueux, un port de rêve, la taille qui fait 52, à peine un merveilleux corps de tanagra que je désire, et bien d'autres choses, croyez-moi, que je n'ose décrire. J'ai perdu la tête, mon cœur est en fête. J'ai perdu la tête, mais mon Dieu que j'aime ça. Jaja Distel avec son titre Aucune nuit, et puis Sheila après tout devant. J'ai bu d'un trait deux finales et trois whisky. je voyais tout petit. Oh, quelle nuit, je me souviens d'avoir dansé le cha-cha-cha avec une fille qui ressemblait à Dalida. Tout en pleurant, je lui ai confié ma vie. Oh, quelle nuit, tout ça est arrivé parce qu'on t'a raconté quand on m'avait vu avec une jolie femme. T'as voulu te venger et tu n'es pas rentré, alors je t'ai cherché, voilà le drame. Au petit jour, je suis rentré qu'un. Tu m'attendais sur le palier en pyjama. Quand tu m'as vu, tu m'as tendu les bras. Oh, quelle avouer que pour me faire marcher, tu dînais ce soir-là avec ta mère. Pendant deux jours, je me suis mis à réfléchir, mais en une nuit, j'ai découvert et j'ai compris que tu es mon indispensable amour. Oh, banane l'archevêque, le Vatican doit faire avec, et la Valkyrie nous tamponne, si l'on en croit Radio London. Ici Radio Londres, ici Londres, on est armé pour vous faire de l'ombre. Radio Londres, ici Londres. En d'autres temps, on était plus résistant. En d'autres temps, on était plus résistant. Les Français parlent aux Français. Il pleut toujours sur Baker Street. Ce soir, Sherlock aura la frite. Sanglots des violons. L'automne, si l'on en croit Radio London. Ici Radio Londres, ici Londres, on est armé pour vous faire de l'ombre. Ici Radio Londres, ici Londres, en d'autres temps on était plus résistants. En d'autres temps, on était plus résistants. C'était donc Jacques Huchet, c'était Jean Marin, c'était Jean Berlet, c'était Jacques Pogneux, c'était Pierre Bourdon, très important. Le plus important, c'était Maurice Schumann. En d'autres temps, on était plus résistants. En d'autres temps, on était plus résistants. Le coq chantera à minuit sur le vélo de Tante Amélie. C'est l'heure où l'angora ronronne, si l'on en croit Radio London. Armé pour vous faire de l'ombre. Ici Radio Londres, ici Londres. En d'autres temps on n'était plus résistant. En d'autres temps on n'était plus résistant. En d'autres temps on était résistant. Voici donc Valentina avec J'imagine, puis suivi de Ricky King. Oups, il n'y a plus de fleurs au balcon, flûte, elles ont pas sous mes doigts. Oups, c'était pas la bonne saison, mais le printemps reviendra. Oups, j'ai rêvé qu'on était plein à reprendre les murs de nos villes et laisser l'empreinte de nos mains, pas que sur nos écrans tactiles. J'ai plus rien, je suis comme ça. Plus fort que moi, j'y crois. Lily croit plus, Lily croit pas. C'est pas pour moi. Tout commence par un j'imagine. Dans un coin de ta tête, un rêve qui soudain se dessine. Que plus rien n'arrête, dis-moi toi ce que t'imagines. Chante à tu tête, passe le message à ta voisine. Hey, moi je suis là.

manque de toi. C'est le bonheur, tout en couleur. Me dis que allez, viens, on va chanter. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Martino. faire change bois. Ah ouais. Voici donc elle s'appelle Céline Dion. Après Céline Dion, voici son titre, je ne sais pas, et puis après Goldman. stars. I'm dying in emotion. It's my world of fantasy. I'm living in my dreams. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. You're my heart, you're my soul. Let's close the door and believe my burning heart. Feeling alright, come on, open up your heart. I'll keep this candle burning. Let your body melt in mine. So, I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, staying with you together. You're my heart, you're my soul. Yeah, I feel your love. You're my heart, you're my soul. Merci de rester fidèle à Radio Arc-en-Ciel. C'est aussi ça. allez, tout le monde, les mains en l'air. On va s'éclater sur la bimbo, les tars. C'est la nouvelle Zumba qui va faire lever les bras. Tous ensemble, on va faire les essuie-glaces. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! L'accordéon, voici Barry White. One ticket, please. What's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Left a little bit plain. I just wanna dance the night away. yeux de soleil, des reflets infinis et des enfants qui rient. J'ai vu ces merveilles qui partout abondent, ces déserts profonds là où s'en va la vie, des matins éternels, des nuits d'amour infini. J'ai nagé dans des océans de paresse, dans des mers sensorielles baignées de lumière. Je me suis séché au vent, me suis fondu au soleil. J'ai vu des forêts brûler, j'ai vu des illuminés prendre le pouvoir, j'ai vu des femmes violentées, des hommes torturés pour assurer l'avenir, les mêmes argentés. À ces personnes nées du bon côté du monde qui ont oublié que la terre est ronde, que les incendies des terres d'Australie laissent indifférents et surtout pas meurtris. Je n'ai qu'une envie. Du monde et de ses entrailles sortir des bêtes immondes. J'ai vu ces merveilles qui partout abondent et l'homme oublié que la terre est ronde. J'ai plongé mon corps dans le puits de la vie, vu tant de rires d'enfants tombés dans l'oubli, dans des nuits si claires émaillées d'étoiles, les âmes les plus belles. Voici donc Billy Paul avec You Song. Et puis juste après quelques chansons rap. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a bigger mansion where we can both live. If I was not the lonely, but then again, no. Oh, Sentir ton victorieux secret dans ton string.

fait longue. Je ne sais pas si j'en fais trop, mais j'ai envie de lui faire plaisir. Écoute, mami, mami, mami, mami, mami, mami. Tu lo sabes que yo soy tu papi. Mami, mami, mami, mami, mami, mami. Tu lo sabes que yo soy tu papi. Elle dit bébé, sois focus sur moi. Laisse-moi faire, je serai tout à toi. Laisse-moi faire te donner ce que tu aimes. Dis-moi oui, entre nous, explorons le monde. Quand tu me touches en feu, j'aime quand tu bouges un peu. Tu love et du feu entre nous, petit à petit on se cherche, on se trouve. Ton feeling me rend si high, tes courbes me travaillent, aïe aïe aïe. Tu sais, je veux que tu restes pour la night. Si sexy all the time, baby. Comme si tu dansais la rumba. Puis t'accélères et tu finis mes nova. C'est comme si comme ça tu commets tes meurtres. Laisse-moi être avec toi, je suis les comme d'hab. Je vois venir à petit pas, en déhanché me mets au pas. Sans détonner, y'en a pas de comme toi. Et quand tu vois, y'a pas de faille. Personne n'est de taille. C'est le top, tout le top, t'es au top, yeah. Sur l'eau, sans la vie de ma mère. J'ai trop dit demain, demain sans faute. Merci de rien, pardon pour les autres. J'ai fermé la porte s'il vous plaît. Je veux casser les murs, oui un jour je le ferai. J'ai cherché longtemps, mon temps sur la scène. Mais passe le temps, bon vent à ma reine. Fais pas si, fais pas ça. Pas comme si, pas comme ça. Fais pas si, fais pas ça. Pas comme si, pas comme moi. J'ai fait tout ça pour les autres, tout ça. C'est volé, il faut que ça change, changer d'habitude. Les bonnes manières ont fait ma solitude. Fais pas si, fais pas ça. Pas comme si, pas comme ça. Fais pas si, fais pas ça. Pas comme si,

Thank you. ciel. Le titre s'appelle tout simplement Tourne autour de toi et c'est Yavana. Je veux plus tes efforts, coco. D'ailleurs, je te réponds plus, coco.

We'll be right back. puisque des filets nous retiennent, puisque nos raisons nous enchaînent, que rien ne brille sous nos remparts. Et puisqu'on n'atteint pas le ciel, à moins de s'y brûler les ailes et suivre les cassé fait flic flic crac et les pieds mouillés font flic flic flac les cris d'hiboum, l'oiseau d'hiboum, c'est l'orage. L'éclair qui lui fait beau, et le bon Dieu d'hiboum dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau qu'une abeille. Et s'il fait beau, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum. Le monde entier fait beau, tout avec lui dit beau, quand notre cœur fait beau. Boum, quand notre cœur fait beau, tout avec lui dit beau, quand notre cœur fait beau. Avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum, ah, boum boum boum, un attack boum boum boum, boum boum boum, boum boum. Arc-en-ciel. Voici le groupe Gold, plus près des étoiles. Ils ont quitté leur terre. Leur chant de fleurs et leur livre sacré. Traverser les rizières jusqu'au grand fleuve salé. Sans un mot, sans un cri, ils ont fermé leur visage de miel. Les yeux mouillés de pluie, les mains tendues. Le ciel un peu plus près des étoiles, au chalet.

Mistral gagnant, les Mistral gagnants. Sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Voilà donc, il est l'heure de se quitter. Voici bientôt 17h. Voilà donc, il est tout simplement l'heure de nous quitter. Donc voilà, j'espère que vous avez passé mon après-midi, tout simplement. On se retrouve bien vendredi, tout simplement. Donc, bien, je vous souhaite de passer bonne fin d'après-midi. Et puis donc, je vous dis bonsoir.